Lévitique chapitre 18. L'Éternel parla encore à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait au pays d'Égypte où vous avez habité, ni ce qui se fait au pays de Canaan, auquel je vous amène, et vous ne vivrez point selon leurs statuts, mais vous ferez selon mes statuts, et vous garderez mes ordonnances pour marcher en elles, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous garderez donc mes statuts, et mes ordonnances, lesquelles si l'homme accomplit, il vivra par elles, je suis l'Éternel. Que nul ne s'approche de celle qui est s'approche parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison, ou hors de la maison, tu ne découvriras point leur nudité. Quant à la nudité de la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille, tu ne découvriras point leur nudité, car elles sont ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, elle est proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car elle est proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, et ne t'approcheras point de sa femme, elle est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, elle est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille, et ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité, elles sont tes proches parentes, c'est une énormité. Tu ne prendras point aussi une femme avec sa sœur pour l'affliger en découvrant sa nudité sur elle, pendant sa vie. Tu n'approcheras point de la femme durant la séparation de sa souillure, pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point aussi la compagnie de la femme de ton prochain, te souillant avec elle. Tu ne donneras point de tes enfants pour les faire passer par le feu devant Molech, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu n'auras point aussi la compagnie d'un mâle, c'est une abomination. Tu ne t'approcheras point aussi d'aucune bête pour te souiller avec elle, et la femme ne se prostituera point à une bête, c'est une confusion. Ne vous souillez point en aucune de ces choses, car les nations que je m'en vais chasser de devant vous, se sont souillées en toutes ces choses, dont la terre a été souillée, et je m'en vais punir sur elle son iniquité, et la terre vomira ses habitants. Mais quant à vous, vous garderez mes ordonnances et mes jugements, et vous ne ferez aucune de ces abominations, tant celui qui est né au pays, que l'étranger qui fait son séjour parmi vous. Car les gens de ce pays-là qui ont été avant vous, ont fait toutes ces abominations, et la terre en a été souillée. La terre ne vous vomirait-elle point, si vous la souillez, comme elle aura vomi les gens qui y ont été avant vous? Car quiconque fera aucune de toutes ces abominations, les personnes qui les auront faites, seront retranchées du milieu de leur peuple. Vous garderez donc ce que j'ai ordonné de garder, et vous ne pratiquerez aucune de ces coutumes abominables, qui ont été pratiquées avant vous, et vous ne vous souillerez point par elles, je suis l'Éternel votre Dieu.